La cinquième édition du Festival international en l'honneur des grands hommes Paektusan se tient à Pyongyang et au district du Mont Paektu. Dans le festival prévu du 13 au 17 août prochain, participent les délégations et délégués du Comité préparatoire international et des comités préparatoires régionaux et nationaux pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes Paektusan 2017, des organisations politiques progressistes, des formations d'amitié et de solidarité avec le peuple coréen, des organisations démocratiques internationales et des personnalités de différents paliers du monde. Au cours du festival se déroulent des activités variées politiques et culturelles comme la visite au pays natal du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il, la réunion pour saluer le soleil au Mont Paektu, le rendez-vous en l'honneur des grands hommes Paektusan 2017, le rassemblement de solidarité avec le peuple coréen, etc.